Salut tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 31 juillet. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant de golf. La région a récolté sa première médaille d'or aux Jeux du Québec qui se déroule actuellement à Thetford Mines. C'est Nicolas Gay-Landry au golf qui a joué le normal pour terminer en première position chez les juvéniles 15 à 16 ans. Toujours au golf, Sarah Maud Lafèvre a terminé en deuxième place chez les 13-14 ans. Donc, la porte de Claude Saint-Denis-Lac-Saint-Jean a joué 74 pour prendre la deuxième position. En tir à l'arc, Jean-Félix Morin a battu son compatriote Jérémy Morin, qui a dû se contenter de la médaille d'argent pour remporter la médaille d'or. Donc, ça s'est déroulé en tir à l'arc. En cycliste, Marc-Antoine Tremblay a terminé au deuxième rang lors de la finale du cross-country. Et en athlétisme, Caroline Dufour de Dolbeau-Mistassini a terminé avec la médaille d'argent aux 3000 mètres marche. Et en javelot, notons que Élodie Roussel a enlevé la médaille de bronze avec un lancer de 34 mètres. Jusqu'à maintenant, la région a une médaille d'or, 4 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. C'est la région de Québec qui connaît de très bons jeux avec 35 médailles qui sont en première position. On a parlé hier dans la section entrevue de DanRadioSport.com avec Gabriel Savard qui a remporté le marathon de la relève qui s'est terminé vendredi à Robertval. Gabriel Savard qui est de Dolbeau-Mistassini et elle mentionne dans un premier temps qu'elle est très contente et elle avait comme objectif de remporter la victoire. On va l'écouter. En fait, pas qu'est-ce que je m'attendais, mais qu'est-ce que j'espérais plus, là. Ouais. C'est sûr que c'est mon objectif principal, c'était d'arriver puis de gagner, en fait. OK. Mais je me sentais prête, puis je m'étais beaucoup entraînée pour ça, justement. Il y a pas mal de vagues, explique la championne de Dolbeau-Mistassini. Il y a quand même eu beaucoup de vagues, en fait. OK. Il s'est levé pas mal à la mi-course, là. OK. Puis c'est ce qui explique un peu les temps qui étaient pas super rapides, là. Il y a beaucoup de vagues qui ont joué dans la vitesse de la course, puis aussi l'eau n'était pas super chaude, elle était à la limite du wetsuit, mais pour moi, c'est plus un avantage, vu que je suis quand même habituée de nager dans le... Gabriel Savard aimerait bien l'an prochain faire le 15 km au marathon du lac à Jim, et elle nous parle également de ses objectifs, et elle aimerait faire la traversée internationale du lac Saint-Jean dans 2 ans. Le 15 km au marathon du lac à Jim. OK. J'aimerais ça aussi commencer les courses finales, puis, comme le 10 km qui avait eu lieu jeudi passé. Ouais. Puis dans 2 ans, ben c'est sûr, j'aimerais ça faire comme la traversée avant la fin de mon cégep. Là, c'est qu'il me reste 2 ans, c'est que c'est ça mon objectif quand même. Parlons maintenant de Dynamo Philly. Harold Veilleux de Dolbeau-Mistassini a terminé en 3e position lors du Saguenay Open qui s'est déroulé en fin de semaine. Donc, Harold Veilleux a fait 272,5 au squat, 162,5 au bench express et a levé 265 kg au soulevé de terre. À son âge, Harold Veilleux se trouve actuellement, selon ses dires, environ 3e ou 4e dans le monde. Et évidemment, il était très, très content de sa performance. On va l'écouter. Ouais. Dans cette compétition-là, on était 25 hommes. Et moi, je me suis classé parmi les 3 premiers. Ce qui est bon, c'est que normalement, un Master 2, normalement, j'ai été capable de compétitionner avec des jeunes de 25-30 ans. J'ai figuré parmi les meilleurs. C'est pour ça que je suis très content de cette compétition-là. Il y avait un match qui nous intéressait, le FC de Saint-Félicien et le AC Milan de Saint-Amboise se sont livrés un verdict nul de 2-2 dans le senior masculin division 2. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé avec Gabriel Savard qui a remporté le marathon de la relève en fin de semaine à la traversée internationale du lac Saint-Jean. On s'est également entretenu avec le gérant des Capitales de Québec, Pat Scalabrini, qui a remporté sa 500e victoire à la barre des Capitales. Également, Marc-André Leclerc vient nous analyser la traversée internationale du lac Saint-Jean et vous pouvez écouter le reportage en provenance de Thetford Mines des Jeux du Québec. Le sport local et régional à DanRadioSport.com. On s'en occupe.